c'est ce qui se passe. Tony Denza, ALKPOTE. Mon vieux, on a des prods meilleurs que celles de Kadhafi. Comme ça qu'on fonctionne la famille. John H, ma pétard, c'est tragédie. Ouais, j'en connais depuis bien longtemps. L'objectif c'est de rendre les miens contents. J'suis offensif, toi tu pensais que les chiens sont tendres. Pas d'affectif, des inconscients qui s'y à mon gland juste pour un digestif. Alors, quand t'assures bien, on veut savoir d'où tu viens. Nous c'est du 9-1, every baby mange nos poils pubiens. Ça pue le chien, clochard, va fumer du l'unité de flamme sera dans les bacs, tu vas me sucer plus tard. J'suis officieux, mais moi j'vise au milieu. Mon vieux, c'est l'unité de feu et c'est prodigieux. J't'avertis, protège ta belle fille. On est vif comme Trabelsi, on a il est travesti. Mes troubles faites, couple Z. Pendant que ton groupe de merde bouffe le sperme, ne joue pas les mousquetaires. C'est pour mes chiens, mes chiennes et mes chiots de France, survivants de cette époque de violence, d'ignorance. Alcool, sexe, drogue, violence en France. C'est misère, crasse, jalousie, vengeance. Y'a de grandes chances de pourrir en bas, souffrir sans larmes et mourir dans l'âme. Alcool, sexe, drogue, violence en France. C'est misère, crasse, jalousie, vengeance. Y'a de grandes chances de pourrir en bas, souffrir sans larmes et mourir dans l'âme. On se connaît depuis bien longtemps. Je compte plus combien ça fait d'années. Je vais pas m'étaler sur celle passée à pédaler. Ça fait des piges qu'on veut griffer les bifs. Infliger les pires sanctions, attirer les piges. Figer les pitres sans indulgence, un pur sang sur sang. J'ai 16 mesures, y'a rien d'urgent. Un taf irréprochable, car il est trop tard. Le temps c'est de l'argent, je veux pas virer clochard. Je partirai au charbon pour ceux qui motivent. Notre équipe, nos types, que la drogue hypnotise. Si on clip nos titres, c'est pour que les gens se rendent compte. Mais ces bandes de grands conflits profitent. Les pédales détalent devant Zeke et Alkekat. La ténébreuse faucheuse fait pas de détails. Soldat n'attend pas de médaille, ton corps n'aura des trous. Nous on préserve le moral des troupes. Alcool, sexe, drogue, violence en France. C'est misère, crasse, jalousie, vengeance. Y'a de grandes chances de pourrir en bas, souffrir sans larmes et mourir dans l'âme. Alcool, sexe, drogue, violence en France. C'est misère, crasse, jalousie, vengeance. Y'a de grandes chances de pourrir en bas, souffrir sans larmes et mourir dans l'âme. Ouais, on se connaît depuis bien longtemps. De la rue au rap, on peut parler d'une très belle entente. Un pour tous, tous pour un, même sur un navire palotant. Frappe des vers du ciel aux vers de terre qui veulent bien entendre. Brûlant telle une balle dorée s'improvisant dans la tempe. On ignore nos forces qui osent dire qu'elles étaient latentes. Tu vas adorer le concert donné par mes paladins. On tous le génie d'Aladin et l'accent unique dans la langue. Haïssent les gens qui causent à leur fils tout en pianotant. Le mien est parti avant de me dire fils ne fais pas le tendre. Dans cette pute de vie remplie de fils, une rue bien atteinte. Tu verras des vies à peine éteintes, des flics qui interviennent à 30. Trempera ta trompe dans des salopes dilettantes. Car ta belle blague est cachée au bled dans la tente. Belle blague, j'roule un poule pédo dans la tente. Te mettre des spermato dans la fente de la femme qui me fera passer du rap pour un palais de l'avant. Yeah yeah. Alcool, sexe, drogue, violence en France. C'est misère, crasse, jalousie, vengeance. Y'a de grandes chances de pourrir en bas, souffrir sans larmes et mourir dans l'âme. Alcool, sexe, drogue, violence en France. C'est misère, crasse, jalousie, vengeance. Y'a de grandes chances de pourrir en bas, souffrir sans larmes et mourir dans l'âme. Alcool, sexe, drogue, violence en France. C'est misère, crasse, jalousie, vengeance. Y'a de grandes chances de pourrir en bas, souffrir sans larmes et mourir dans l'âme. Alcool, sexe, drogue, violence en France. Scène, misère, crasse, jalousie, vengeance. Y'a de grandes chances de pourrir en bas, souffrir sans larmes et mourir dans l'âme. C'est la nouvelle vague du rap.